Ah, je t'aime, mais je pars. Et parfois ça arrive. Je t'aime, mais je pars. Et c'est le cœur lourd. Notre histoire s'achève dans un dernier détour. Comme une étoile filante, notre amour brille en un instant, puis s'éteint dans l'obscurité, écho du store. Sous les constellations, un dernier adieu. Nos cœurs en flammes se quittent sous le ciel bleu. Nos âmes en éclats comme une supernova sans retour. Le ciel nocturne, je m'en vais, mon amour, je t'aime, mais je pars. Les larmes sur tes joues, comme la pluie en hiver. Nous avons tout donné, perdu sans repère. Nos rêves s'effondrent comme des géantes rouges. Je tire ma révérence, adieu, et je bouge. Constellation, un dernier adieu. Nos cœurs en flammes se quittent sous le ciel bleu. Nos âmes en éclats comme des supernovas sans retour. Sous le ciel nocturne, ah, je m'en vais, mon amour, je t'aime, mais je pars. Le vent emporte tout, nos rêves d'antan, les promesses fanées éclatent en un éclair brillant. Je prends la fuite, tel une météore. Je fous le camp, nos cœurs à nu, encore et encore. Constellations, un dernier adieu. Nos cœurs en flammes se quittent sous le ciel bleu. Nos âmes en éclats comme une supernova sans retour. Sous le ciel nocturne, je m'en vais, mon amour. Je t'aime, mais je pars. Ah, peut-être un jour, nos âmes se retrouveront. Dans un autre temps où l'amour rayonnera à l'horizon. Mais pour l'instant, je pars, nos cœurs en suspens. Je prends la mer, adieu, nos rêves se fondent lentement. Sous les constellations, un dernier adieu, nos cœurs en flammes se quittent sous le ciel bleu, nos âmes en éclats comme un supernova sans retour. Sous le ciel nocturne, je m'en vais mon amour, je t'aime mais je pars. Les mots se font silence, nos âmes s'éloignent. Dans ce vide immense, nos souvenirs témoignent. Je fous le camp, adieu mon amour. Sous les étoiles, je tire ma révérence. À pour toujours. Constellations, un dernier adieu, nos cœurs en flammes se quittent sous le ciel bleu, nos âmes en éclats comme une supernova sans retour. Sous le ciel nocturne, je m'en vais mon amour, Ah, je t'aime. Ah, mais je pars.